C'est Lyon contre coq, ah ouais. Coq contre Lyon, des flamands. Ah, tout ça, c'est politique de façon, non? Wallon, le peuple, c'est Eendracht Mac Mac. L'union fait la force. C'est Lyon contre coq, coq contre Lyon. Peu importe pour qui tu votes, ça troque nos vies contre des millions. Du chant du coq, au rugissement du lion, de ma rébellion à la révolution, de mes opinions. Et la terre nous est louée, donc je dépouillerai les proprios, quitte à faire les 4000 sans couilles, comme mon pote Lio nous ordonne de marcher droit, alors que l'État a la scoliose. Sois belge et tais-toi pendant que je pilote la Grande Torino. Du CDH à Grund, de Croc à Di Rupo, ça reste à celui qui endormira mieux le troupeau. C'est pas la peine de venir me dire que le monde est beau, qu'on est tous égaux, que demain sera un jour nouveau. Aucun n'implore les valeurs de base dans leur débat, ça cause en souriant à l'heure où le pays se sépare avec les mêmes phrases qui se finissent par je ne sais pas. C'est pas vrai ça, racache, j'ai tout gravé dans ma cabeça. Quoique je ne doute pas que la vita est bella, toucher le salaire du Sénat dans la douche de Marie Arena. Qu'on envoie Michel Dardenne dans les favelas. La politique est un jeu comme si là le CG j'ai mon carré d'as. Véritable malgré moi, ma foi ça fait mal, très mal, très mal. De la Ferragusta au système pénal, des plages d'Ostende au signal de bonne tranche culminant 2830 à la famille d'Orange. Noir, jaune, rouge du coq au lion, de Render, sa bande de la note du Vlaams Blanc. Au droit de l'homme, choisis ton camp, de Wever au francophone, de BHV entre deux mondes, des tueurs du Brabant, petit GAV et les faits font l'effet de Patrick Hammer, sa VDB, même si ça date comme l'assassinat de la ou du PCB. Aujourd'hui, je sais que le pire cancer de la foi réside au bâtiment 16 rue de la Loi, je résiste.